Bien, bonjour à tous. Nous allons discuter ensemble en écoutant d'abord un certain nombre d'interventions, 5, je ne vais pas l'intituler, vous l'avez sous la feuille, qui toutes nous ramènent à ce thème qui vous a rassemblé aujourd'hui, dire, taire et entendre la souffrance au travail. Pour ma part, je présiderai la séance sans intervenir très directement, sinon en appui de la salle ou pour réguler, voire contrôler le temps. Je suis donc Philippe Bataille, je suis directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Je dirige le CADIS, le Centre d'analyse et d'intervention sociologique, ainsi que la formation doctorale sociaux de l'École des études et le master recherche de l'École des hautes études. Les discutantes nous ont rejoint, c'est-à-dire qu'elles ont pu travailler, je suppose, en préparation, beaucoup plus que moi qui suis là pour jouer un rôle agréable, Marianne Dujarrier, de l'Université de Paris 3, du LIS, que nous connaissons tous, et qui interviendra... Comme discutante. Après chaque intervention, ou quel est le format qui vous paraît le plus adapté, ou sur l'ensemble des interventions, qu'est-ce que vous préférez? 2-3 minutes sur chaque intervention, s'il y a besoin d'une précision et... Je ferai le lien. Et une discussion générale, par contre, on essaye mais de maîtriser le temps. Et le risque, évidemment, est d'arriver à la fin et de ne pas avoir de temps. Donc ça, c'est pas bien. 2-3 minutes pour les frustrés, les frustrations, pour les précisions, toutes ces choses qui nous permettent d'avancer. Et on laissera Marianne Dujarrier peut-être nous mettre en synthèse avec tout ça et en discussion générale.